Chapitre 23e. L'entretien de Madeleine et de Sophie fut donc interrompu par l'arrivée d'Antonine, qui, impétueuse comme la joie, la jeunesse et le bonheur, entra en s'écriant « Sophie, je savais hier que Madeleine serait ici ce matin, et j'accours pour vous dire que... » « Pas un mot de plus, petite fille, » reprit gaiement la marquise en baisant Antonine au front. « Nous n'avons pas un moment à perdre. Il faut que nous soyons... comme nous l'étions autrefois en pension entre nous, les femmes de chambre de Sophie. « Que dis-tu ? » s'écria la jeune femme. « Mais Madeleine, » reprit Antonine, « je venais vous prévenir que mon contrat était signé ce matin par le prince et par mon oncle et que... « Ton contrat est signé, mon enfant. C'est l'important et je m'y attendais. Tu me conteras le reste lorsque nous aurons fait à notre chère Sophie la plus jolie, la plus coquette toilette du monde. C'est fort important et surtout fort pressé. » Puis, la marquise ajouta tout bas à l'oreille de Madame du Tertre. « Ton mari peut venir d'un moment à l'autre. Il faut qu'il soit ravi et charmé. Il le sera. » S'adressant alors à Antonine, Madeleine ajouta « Vite, vite, mon enfant, aide-moi à porter cette toilette devant la fenêtre et occupons-nous d'abord de la coiffure de Sophie. » « Mais en vérité, Madeleine, » répondit Madame du Tertre en souriant, car elle renaissait malgré elle à l'espoir et au bonheur. « En vérité, tu es folle. »« Pas si folle, » répondit la marquise en faisant asseoir Sophie devant la toilette. Dénouant alors la magnifique chevelure de son amie, elle ajouta « Avec des cheveux pareils, je serais laide comme un monstre que je voudrais paraître agaçante au dernier point. Juge un peu de toi, Sophie. Voyons, aide-moi, Antonine, car ces cheveux sont si longs et si épais que je ne puis les tenir dans ma main. » Ce fut quelque chose de charmant à voir que ces trois amies de beauté si diverses, ainsi groupées. La candide figure d'Antonine exprimait un étonnement tout naïf de cette toilette improvisée. Sophie, émue, troublée par les tendres et brûlants souvenirs du passé, sentait sous son voile de cheveux bruns sa gracieuse figure, jusqu'alors pâle et attristée, se colorer d'une rougeur involontaire, tandis que Madeleine, tirant merveilleusement parti de la superbe chevelure de son amie, la coiffait à ravir. « Maintenant, » dit la marquise à Sophie, « quelle robe vas-tu mettre ? Mais j'y pense. Elles doivent t'habiller horriblement mal si elles sont toutes taillées sur le même patron. »« Elles le sont, malheureusement, » répondit Sophie en souriant. « Très bien, » reprit la marquise. « Et toutes sont montantes, je parie ? Oui, toutes sont montantes. » dit la pauvre Sophie. « De mieux en mieux, » dit Madeleine. De sorte que ses jolies épaules à fossettes, ses bras charmants, sont condamnés à un enfouissement perpétuel, c'est déplorable. Voyons, as-tu du moins quelques robes de chambre bien élégantes, quelques peignoirs bien coquets ? Mes robes de chambre sont toutes simples. Il est vrai qu'autrefois, j'en avais de délicieuses. Eh bien, où sont-elles ? « Je les ai trouvées trop jeunes pour une mère de famille comme moi, » répondit Sophie en souriant. « Je les ai reléguées, je crois, dans le haut de cette armoire à glace. » La marquise n'en entendit pas davantage. Elle courut à l'armoire, qu'elle bouleversa, et trouva enfin deux ou trois très jolies robes de chambre de taffetas rayé d'une extrême fraîcheur. Elle en choisit une fond bleu clair à rayures paille. Les manches, ouvertes et flottantes, devaient laisser les bras nus à partir du coude, et quoique se croisant par devant, cette robe pouvait s'entr'ouvrir à volonté et dégager la poitrine. « À merveille !» dit Madeleine. « Cette étoffe est charmante et aussi fraîche que si elle était neuve. Il me faut maintenant des bas de soie blancs, dignes de ces élégantes pantoufles de Cendrillon, que je trouve aussi dans cette armoire où tu ensevelis tes armes, comme un guerrier qui ne va plus à la bataille. « Mais, ma chère Madeleine, » dit Sophie, « il n'y a pas de mais. » reprit impatiemment la marquise. « Je veux et j'entends que tout à l'heure, en entrant ici, ton mari se croit et soit rajeuni de 5 ans. » Malgré une faible résistance, Sophie du Tertre se montra docile aux conseils et aux soins coquets de son amie. Bientôt, à demi couchée sur une chaise longue, dans une pose pleine de morbidesse et de langueur, elle consentit à ce que la marquise donnât la dernière touche à ce tableau vivant. En effet, Madeleine fit jouer quelques longues boucles de cheveux à l'entour du cou, d'une éblouissante blancheur, releva les larges manches afin de bien laisser voir un coude à fossette, entr'ouvrit quelque peu, malgré les chastes scrupules de Sophie, le corsage de la robe de chambre qui, drapé avec une agaçante préméditation, laissait voir le bas d'une jambe faite au tour et le plus joli petit pied du monde. Il faut le dire, Sophie du Tertre était ainsi charmante. L'émotion, le trouble, l'espoir, une vague inquiétude, colorant son doux et attrayant visage, animaient son regard, faisaient palpiter son sein et donnaient à ses traits une expression délicieuse. Antonine, frappée de cette espèce de métamorphose, s'écria naïvement en frappant dans ses petites mains « mon Dieu, Sophie, je ne vous savais pas si jolie que cela !» Ni Sophie non plus ne le savait plus, répondit Madeleine en haussant les épaules. Il faut que ce soit moi qui exhume tant d'attraits. La servante de Madame du Tertre, ayant frappé la porte, entra et dit à sa maîtresse « Monsieur désirait parler à Madame. Il est à l'atelier. Il fait demander si Madame est chez elle. » « Il te sait ici, » dit tout bas Sophie à Madeleine avec un soupir. « Fais-lui dire de venir, » reprit à demi-voix la marquise. « Prévenez Monsieur du Tertre que je suis chez moi, » dit Sophie à la servante qui sortit. Madeleine, s'adressant alors à son amie d'une voix pénétrée, lui tendit les bras et lui dit « Et maintenant, adieu Sophie, annonce à ton mari qu'il est délivré de Monsieur Pascal. » « Tu pars déjà ?» reprit Sophie avec tristesse. « Quand te reverrai-je »« Je ne sais, un jour peut-être. » « Mais j'entends les pas de ton mari, je te laisse. » Puis elle ajouta en souriant « Seulement, je veux, caché derrière cette porte abaissée, jouir de ton triomphe. » Et faisant signe à Antonine de l'accompagner, elle se retira derrière la portière baissée du salon voisin au moment où M. Duterte entrait dans la chambre à coucher de sa femme. Pendant quelques instants, les yeux de Charles errèrent comme s'il cherchait une personne qu'il s'était attendu à rencontrer, et il ne s'aperçut pas de la métamorphose de Sophie qui lui dit « Charles, nous sommes sauvés. Voici le désistement de M. Pascal. » « Grand Dieu, serait-il vrai ?» s'écria Duterte en parcourant les papiers que sa femme venait de lui remettre. Puis, son regard se relevant et s'arrêtant sur Sophie, il remarqua seulement alors sa toilette si coquette, si agaçante. Après un moment de silence causé par la surprise et l'admiration, il s'écria « Sophie, que vois-je? Cette toilette si charmante, si nouvelle? C'est donc pour fêter le jour de notre délivrance ?»« Charles, » reprit Sophie en souriant et en rougissant tour à tour, « cette toilette n'est pas nouvelle. Il y a quelques années, si tu te le rappelles, je te plaisais ainsi. »« Si je me le rappelle ?» s'écria Duterte, sentant se réveiller en lui mille tendres et voluptueux souvenirs. Ah, c'était le beau temps de nos brûlantes amours. Et cet heureux temps, il renaît, il existe. Je te revois comme par le passé. Ta beauté brille à mes yeux, d'un éclat tout nouveau. Je ne sais quel est ce prestige, mais cette élégance, cette coquetterie, cette grâce, ta rougeur, tout, jusqu'à cette douce senteur d'iris que nous aimions tant, tout, me transporte et m'enivre. Jamais, non, jamais je ne t'ai vu plus jolie, ajouta Duterte d'une voix passionnée, en baisant avec ardeur les belles mains de Sophie. « Oh oui, c'est toi, c'est bien toi, je te trouve, maîtresse adorée de mon premier amour. » « Maintenant, petite fille, il est, je crois, fort à propos de te retirer, » dit tout bas Madeleine à Antonine, sans pouvoir s'empêcher de sourire. Et tous deux, s'éloignant sur la pointe du pied et quittant le salon dont la marquise ferma discrètement la porte, se trouvèrent dans le cabinet de M. Duterte qui donnait sur le jardin. « Tout à l'heure, Madeleine, » dit Antonine à la marquise, « vous ne m'avez pas laissé achever ce que je venais vous dire. »« Eh bien, parle, mon enfant. Monsieur Franz est ici. »« Lui, ici ?» dit la marquise en tressaillant sans pouvoir cacher un sentiment douloureux. « Et pourquoi et comment Monsieur Franz est-il ici ?»« Sachant par moi que vous devriez vous trouver ici ce matin, » reprit Antonine, « Monsieur Franz est venu pour vous remercier. » De toutes vos bontés pour nous, il attend dans le jardin. Et tenez, le voilà. » Ce disant, la jeune fille montra Franz, qui en effet était assis sur un banc du jardin. Madeleine jeta un long et dernier regard sur son blond archange, sans pouvoir retenir une larme qui roula dans ses yeux. Puis, baisant Antonine au front, elle lui dit d'une voix légèrement altérée : « Adieu, mon enfant. » Comment, Madeleine ? S'écrie la jeune fille stupéfaite d'un si brusque départ. Vous vous en allez sans vouloir voir Monsieur Franz ? Mais c'est impossible, mais... La marquise mit son doigt sur ses lèvres en faisant signe à Antonine de garder le silence. Puis, s'éloignant, non sans que ses yeux se tournassent encore une fois du côté du jardin, elle disparut. 2 heures après, la marquise de Miranda quittait Paris en laissant ce billet pour l'archiduc. « Monseigneur, je vais vous attendre à Vienne. Venez achever de me séduire, Madeleine. » Ainsi s'achève La Luxure, tome 4, des 7 péchés capitaux d'Eugène Sue.